السلام عليكم يا أهل سلام، مرحبا بكم. vous êtes sur Radio Hachicha. il est 20h05, 20h06, désolé pour ce retard pour commencer l'émission, mais voilà, l'émission elle commence. Nous avons couru et tout ça pour prendre le train haka avant de démarrer, mais donc avec un petit peu de retard, désolé. J'espère que vous passez d'agréables moments sur Radio Chicha. Je salue tous les auditeurs qui nous écoutent. Aynama kuntum huna aw hunaka, marhaba bikum. Sa'a rahi 8:07 دقائق بتوقيت الجزائر. ليميسيون تاعنا كي العاده كل يوم سبت ميم مومون نديرو سكون ابل رونديفو افيك لي زوديتور. سو سوار رونديفو افيك لي زوديتور. فو بوفي نوز ابلي كوم تو لي ا شاك فوا ان فيت كوم توت لي ايميسيون. فو بوفي بارتيسيبي سور لو سوجي كو نو فو بروبوزون ا ديسكوتي. ان فيت جو في فو اكسبليكي دون ان instant le sujet تاعنا اليوم هادي السهره. Et puis je voulais vous informer que nous avons un invité pour parler politique à propos de ce sujet et peut-être d'autres choses aussi. J'ai le plaisir en fait d'avoir ce soir, en principe si tout va bien via Skype, notre camarade, notre ami Samir Bouakouir, cadre du FFS, ancien porte-parole du FFS, qui a déjà travaillé sur la question habitat, le changement, les élections. C'est le sujet de notre soir, en fait, je l'ai pas annoncé. Donc le changement en Algérie, les élections qui arrivent en 2014, les élections présidentielles, est-ce qu'il va y avoir un changement? Je vais essayer de vous présenter ça, mais juste avant, parce que là les machines elles viennent juste de démarrer et tout, j'essaie de vous passer un petit peu de musique et puis on se retrouve dans 2 minutes. En principe avec Samir Bouakouir. Voilà, tout de suite, je vous laisse écouter un tic. شكون اللي قتل قريب القاسم شكون اللي قتل بن يحيى شكون اللي فهم حكاية عنابة وبن طلحان شكون اللي قتل قاسم رباح Donc voilà, Resalamu alaikum Khawti. Nous sommes toujours sur Radio Chicha et c'est l'émission donc live avec les auditeurs de chaque samedi soir qui commence. Comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, le sujet aujourd'hui c'est le changement en Algérie et puis les élections de 2014 qui arrivent. Il y a eu beaucoup de production ces derniers temps, beaucoup de gens ont parlé de ce sujet, ils l'ont commenté, ils l'ont analysé, beaucoup de gens ont donné des scénarios et je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous vous invitons à intervenir sur Skype et nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, un invité politique pour cette émission, Monsieur Samir Bouakouir, cadre du FFS, ancien porte-parole aussi, si je ne dis pas de bêtises, qui a bien voulu, qui a accepté notre invitation. Monsieur Samir Bouakouir, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Salam alaikum, Zul Lawen, bonsoir tout le monde. Marhaba bik, merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. C'est gentil. En fait, je pense que ça va intéresser les auditeurs un peu. J'ai vu que tu as écrit ces derniers temps à propos du sujet t'as le changement politique en Algérie, et puis les élections Hadouli Jayin, les élections présidentielles, la maladie de Bouteflika. J'ai vu que tu as écrit un article de presse à ce propos, une analyse. Je voulais en fait te faire intervenir par rapport à ça, si tu veux bien. Oui, bien sûr, en fait, j'ai paru dans certains sites internet, visé tout simplement à opposer les problématiques centrales du pays. Exactement. Moi-même j'ai lu le papier où tu appelais ça démohabaratiser le système comme préalable à tout changement politique. Ben, absolument, parce que qui s'est imposé à l'Algérie pas simplement depuis Bouteflika, parce qu'on a l'impression à lire les uns et les autres, à écouter des personnalités ou des partis qui sont de l'opposition, que la crise est venue avec Bouteflika. Non, la crise, elle remonte à 62 et peut-être même au-delà, c'est-à-dire au moment de l'assassinat de Abdel Hamdan. C'est à ce moment-là que l'assassinat d'Abdel Hamdan a préfiguré le système qui allait s'imposer par les armes, par la violence aux Algériens en 1962, c'est-à-dire et qui place ce que j'ai appelé une limite militaro-sécuritaire au cœur du système. Aujourd'hui, parler du changement, c'est aussi reposer cette question, mais dans la sérénité. Hein. Il ne s'agit pas de... le pays a besoin de sérénité, le pays est très fragilisé aujourd'hui, mais il faut poser les vraies questions sans concession. Et je voulais... Aujourd'hui, oui. Excuse-moi. En fait, je voulais juste revenir sur la partie constat, en fait, parce que là, on est en train de discuter sur la scène médiatique et puis même sur les réseaux sociaux. Les gens, ils discutent de ce qui va se passer avec Bouteflika, qui est malade, qu'on ne voit plus depuis à peu près 6 mois et qui est en France visiblement et tout. Les gens, ils discutent. Il y a des scénarios qui se font, mais j'ai lu dans ton intervention, Billy, le constat fait que le changement va s'imposer. Et le changement, ou peut-être, à Dieu ne plaise, comme on dit, peut-être même une explosion sociale. Je sais pas ce que tu peux dire par rapport à ça, en fait. Pourquoi le changement, en fait? Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes devant un choix. Soit on pose les jalons du changement, d'un changement pacifique, hein, démocratique, ou sinon l'Algérie va droit au mur. Il faut savoir une chose, c'est que 50 ans après l'indépendance, l'Algérie n'a pas de véritables institutions légitimes, démocratiques, contrairement à ce que disait Hollande il y a quelques jours, en disant que l'Algérie... à des institutions, cette question est fondamentale. C'est-à-dire que le projet national algérien qui vise à construire un État national, des institutions démocratiques, etc., ce projet a été complètement vidé de sa signification. On se retrouve aujourd'hui, 50 ans après, c'est le grand échec de l'Algérie. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'institutions politiques légitimes qui stabilisent le pays. Donc, soit nous allons vers un changement, mais moi je conçois le changement comment sous forme d'un pacte national pour la construction d'institutions politiques autonomes, parce que j'insiste sur le terme autonome, il est essentiel, si tu veux, on peut en lire sur cette question après. Sinon, nous allons tout droit au mur. Il faut savoir que le monde change. L'histoire s'accélère. Le monde de la guerre froide disparaît. Il y a un mouvement qui est né. Il y a une révolution des technologies, de l'information, de l'informatique, etc., portée par une globalisation qui impacte l'Algérie. Nous ne vivons pas dans une île isolée, Wahdena Agdaya, à l'abri des turbulences géopolitiques, géostratégiques. Donc soit nous engageons le pays sur la voie du changement, de la construction d'institutions, faire des réformes, de véritables réformes radicales. Hein, aujourd'hui, les pays qui réussissent dans le monde, c'est des pays qui ont réglé depuis longtemps la question du pouvoir et de la légitimité. Dans l'innovation, dans l'intelligence, etc. Ouais. L'Algérie en 62 avait. Et c'est ça le drame de ce pays. Et c'est ça l'incompréhension. À l'indépendance, l'Algérie avait les moyens d'arriver au niveau de certains pays d'Europe du Sud. Hein. Style l'Espagne, style Portugal, même peut-être de les dépasser. Quand on voit les ressources que recèle le pays, que ce soit en potentiel humain ou en potentiel ou en richesse naturelle. 50 ans après, on est arrivé à se poser la question, Samir, est-ce qu'il y a un projet collectif qui s'appelle l'Algérie, la nation algérienne? C'est quand même redoutable, redoutable. On a vu beaucoup d'observateurs dire il y a des risques, c'est-à-dire d'explosion régionale ou de dislocation des territoires. On a vu ceux qui disent aussi que la guerre qui se passe au Mali peut affecter l'Algérie, y compris y compris par c'est-à-dire par exemple des gens vont demander à ce que leur région soit indépendante du reste de l'Algérie, donc les risques il y en a effectivement. Absolument, absolument. Je crois que c'est le système a fait des ravages en Algérie. Il a déstructuré en profondeur la société algérienne, il a divisé les Algériens, il a distendu, brisé les liens sociaux et les liens politiques entre les Algériens. Et aujourd'hui, effectivement, dans un monde qui... qui s'accélère dans une globalisation, des effets ravageurs. Dans plusieurs, les effets, ce sont la balkanisation, le retour sur les questions ethniques, tribales, etc. Voilà ce qui menace aujourd'hui l'Algérie. C'est pour ça que je dis, le cœur de la problématique algérienne, c'est de doter le pays de véritables institutions politiques autonomes. Je dis pourquoi autonomes. Autonomes parce que il faut sortir une espèce d'état d'exception dans laquelle on est, où le système repose sur l'élite militaro-sécuritaire et qui, avec une vitrine, institutionnelle, une façade institutionnelle, qu'on ravale à chaque occasion, à chaque élection présidentielle, etc. C'est un ravalement de façade. 50 ans après, certains arrivent à cette conclusion, mais ahurissante, que l'Algérie repose uniquement sur l'armée et les services de renseignement. Beaucoup disent aujourd'hui que l'Algérie repose, mais c'est un échec. Dire cela, ça veut dire qu'on a été incapable de construire des institutions politiques dans ce pays. Et un pays ne peut pas tenir sur une armée ou sur des services de renseignement. Elle doit reposer sur des institutions stables, des institutions démocratiques. C'est pour ça que dans mon papier, je l'ai intitulé « Démocratiser le politique ». Le politique, ça veut dire qu'il faut que les services de renseignement dans notre pays puissent s'occuper des questions qui sont inhérente à tout service de renseignement, et non plus de s'occuper de la chose politique et de la gestion politique. Mais on a vu, je sais pas qu'est-ce que toi tu en penses, il y a quand même depuis quelques semaines et depuis quelques mois une sorte de mobilisation qui se fait, du moins médiatique ou dans une certaine classe politique par rapport à l'élection de 2014. Et certains même de ceux qui se sont déjà déclarés candidats, comme par exemple Monsieur Ben Bitour, ont dit Billy, il faut, c'est l'occasion avec l'élection de 2014 de faire, c'est l'occasion de faire un changement, un vrai changement politique en Algérie, en posant des préalables comme l'a fait Monsieur Ben Bitour, en disant il faut des élections propres, etc. Est-ce que toi tu penses comme il le dit par exemple Ben Bitour, et je pense pas que ça soit le seul, hein. Il y a des gens, ils appellent, ils disent c'est l'occasion. Le système est incapable aujourd'hui d'organiser des élections libres. Le dire, c'est mentir. C'est mentir aux citoyens. Parce qu'une élection libre, ce n'est pas simplement le jour du vote. Nous savons très bien que un processus électoral, c'est en amont. Hein, c'est des conditions créées autour d'une élection. Et quand je parle de conditions, c'est évidemment l'ouverture du champ politique, l'ouverture du champ médiatique, c'est-à-dire lever l'espèce d'embargo sur l'audiovisuel d'une manière générale. C'est le respect des libertés, c'est le respect du droit de manifester, de droit de s'organiser, etc. C'est ça qui crée les conditions d'un véritable débat national, etc. Et puis une élection présidentielle, comme on le voit dans tous les pays qui se respectent, c'est l'occasion d'un vrai débat, c'est-à-dire d'une confrontation réelle de projets. Donc, moi, je ne pense pas que c'est une élection dans un contexte pareil de manipulation, d'intoxication, et puis on le voit au quotidien, les faux débats, les diversions, etc., qui continuent et qui sont alimentés pour brouiller les enjeux dans notre pays. Et malheureusement, il y a certains relais du régime qui continuent, hein, à animer une fausse scène politique, pour nous préparer effectivement un nouveau ravalement de façade. Donc le préalable d'abord, c'est pour ça que j'ai dit que ces acteurs politiques, d'une manière générale, quelle que soit leur tendance idéologique ou politique, etc., doivent poser des préalables. Hein. Et parmi ces préalables-là, c'est d'exiger des décisions, des actes concrets. Oui, faire de l'élection un changement, mais d'abord, réhabilitons une scène politique, réhabilitons les libertés, libérons le champ politique, laissons les gens s'exprimer. Or, malheureusement, quand on regarde ce qui se passe actuellement, ça ne va pas du tout dans ce sens. On continue à réprimer. On a entendu l'actuel ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé il y a quelque temps en disant, pour justifier la répression, et il mettait ça sur une prétendue tempérament anarchique des Algériens. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est dans le pur style colonial. Hein. C'est vraiment les clichés qui ont accompagné le discours de la colonisation. Bien, ce pays, c'est des tribus, ils sont incontrôlables, ils sont anarchiques, ils sont ingouvernables, etc. Mais tout cela pour justifier l'autoritarisme, tout simplement. Donc les conditions d'une élection, le système à l'heure actuelle est incapable d'organiser des élections véritablement libres. C'est pour ça que l'idée, je l'ai suggéré, c'est l'idée d'un pacte. Il faut un pacte national. Un pacte national pour justement remettre le pays sur un processus démocratique, hein, et une élection doit intervenir à l'issue, hein, de ce processus politique. On arrive à poser des règles du jeu démocratique, aller à institutionnaliser le débat, l'espace. Mais cela, évidemment, dépend d'une volonté au sein du pouvoir que moi je ne décèle pas le moment, et dépend aussi de la mobilisation de ces acteurs. Ces acteurs politiques sont capables de s'entendre sur qui vont définir demain ce que sera la pratique des mots. Ouais. Allô? Très bien. C'est convaincant ce que je dis ou là, Très bien. Non, très bien. Non, il y a juste des moments de coupure, en fait. Ah, d'accord. Ouais. Non, en fait, très bien, c'est très clair. Toute façon, je rappelle à nos auditeurs qui sont à l'écoute, qui peuvent effectivement nous appeler pour participer à l'émission. Le sujet, c'est les élections de 2014 et les perspectives de changement en Algérie. Les gens, je pense que beaucoup de gens ont suivi un peu ce qui se dit à ce propos, et je pense qu'il y a beaucoup d'avis, de points de vue. Donc, ils peuvent participer en appelant sur Skype. Je ne sais pas, Samir, si ça te générait qu'on prenne des appels, ou là qu'on continue d'abord pour... On fait comme tu veux. Je suis disponible. Très bien. Très bien. Parce que j'ai déjà des appels. Alors si tu permets. Allô. Salam alaikum. Sahit Adel. Azul. Marhaba bik. Excuse-moi deux secondes, on est en direct, donc là on est à l'antenne. Je vais juste essayer de voir si on peut comment on peut faire pour parce que là on a notre invité monsieur Bouakouir. OK, d'accord. Ouais, je ne sais pas si Samir, tu nous entends? Tu vois là en fait, j'ai perdu monsieur Bouakouir. OK. Ouais. Attends deux secondes. Non, en fait, finalement, on peut pas faire. Non, ajouter et à la conférence. Je pense qu'il faut faire conférence, au fait. Voilà. Je pense que là, ça marche. Monsieur Bouakouir, Samir, tu nous entends? Oui, là, j'entends, oui. Et est-ce que tu entends notre invité? Oui. Allô? Oui. Vous montez d'autres? Très bien. Très bien, ça marche. Merci les gars, de toute façon, ça vous m'aidez, parce qu'en même temps, on est en train de tester le passage à plusieurs sur à l'antenne. Ça marche, Adel, on t'écoute. On a Samir Bouakouir, notre invité ce soir. À toi la parole. Bonjour, bonjour à tous et bonsoir à tous les auditeurs de la radio. J'ai entendu au fait l'explication de Monsieur Bakir qui parlait au fait sur la légitimité du pouvoir. C'est vrai que le pouvoir était légitime depuis 62, mais j'ai une question de savoir, mais comment en fait la vie politique ou l'activité politique s'organise face à ce régime totalitaire qui est légitime, sachant qu'il n'a pas tout par exemple le droit de manifester à Alger, ou comment il compte faire ou s'organiser pour les prochaines élections 2014. Très bien, la question elle est posée. Je laisse la parole à Samir. Merci. Oui, mais merci Adel pour ta question. Effectivement, la question ce que j'ai compris à travers ta question, c'est en réalité, c'est comment construire une alternative en Algérie. Comment rendre visible une alternative en Algérie. Mais c'est toute la question. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, malheureusement, nous n'avons pas d'opposition. Nous avons des opposants, des personnes qui s'expriment, qui donnent leur point de vue. Pas réellement une opposition. Oui. Une opposition située. Et cela, évidemment, il est aussi au fait que le système a tout fait pour empêcher l'émergence d'une véritable force politique alternative, l'émergence d'une élite politique enracinée dans la société. En empêchant les gens de s'exprimer, de s'organiser librement, etc. Donc je pense que le préalable à un homme politique qui n'est pas libre à la rencontre de ses concitoyens, qui n'a pas d'espace pour s'exprimer, qui n'a pas la possibilité de s'organiser, je parle d'un homme politique, mais je parle aussi d'un syndicaliste, d'un militant associatif, etc., il est très difficile effectivement de s'adresser et de mobiliser finalement les Algériens. C'est ça qu'aujourd'hui moi j'appelle ces acteurs politiques ou ces acteurs d'une manière générale, associatifs, syndicaux, c'est qu'ils s'organisent pour exiger les conditions d'un véritable débat politique en Algérie. Les conditions, c'est quoi? C'est lever l'embargo sur les libertés, sur le droit de manifester, de s'organiser. Donc cette question est pour moi un préalable. Un préalable avant de s'engager dans une quelconque élection, qu'elle soit locale ou nationale ou présidentielle. J'ai une autre question, Samir, si c'est pas... Vas-y. Ok. C'est juste, au fait, votre opposition, étant que vous étiez peut-être du FFS, donc un parti créé en 63, donc qui a quand même une vie d'opposition qui date depuis 60 ans. Donc j'aimerais savoir, en fait, votre position sur les nouveaux partis politiques qui sont à peu près une dizaine, une vingtaine de partis politiques, du jour au lendemain sont créés sans base, c'est-à-dire sans avoir une base électorale solide, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ces partis? Est-ce qu'ils méritent de les faire participer au fait à un éventuel c'est-à-dire discussion ou une réconciliation, si on peut dire ça? En fait, tous ces partis qui sont créés sans base, base populaire, en réalité, qui n'ont aucun enracinement social, ceux-là qui meublent en fait la façade politique en Algérie. Mais il faut savoir une chose d'une manière générale, c'est qu'on ne peut pas avoir de vrais partis politiques en Algérie sans qu'il y ait une véritable démocratie, sans qu'il y ait de véritables élections démocratiques dans le pays. C'est ça qui fait émerger des partis politiques. Après, effectivement, il y a des partis qui existaient bien avant, en fait, qui ont une histoire, comme le FFS, oui. Il y en a d'autres, etc. Ces partis-là ont été tolérés. Un parti comme le FFS, évidemment, qui est né en 1963, à l'ouverture en 89, il a été toléré. Il a été toléré. Mais évidemment, le système a tout fait pour favoriser des micro-partis qui n'ont aucune audience. Mais ça participe d'une logique qui est dans le système, c'est celui de discréditer le politique et la politique. Alors, il n'y a pas qu'une vingtaine de partis, il n'y en a même plus. Je crois qu'il y en a une soixantaine, peut-être même plus, plus maintenant. Je parle, au fait, je parle d'une vingtaine, c'est ceux qui se prétendent de l'opposition, alors qu'avant, ils mangeaient à table avec le pouvoir. Ce que je voulais dire, c'est voilà. Oui, tout à fait. C'est la clientèle, ça. Oui, c'est la cliente. Ce que je veux dire, c'est est-ce que dans les futures discussions ou peut-être une initiative de réconciliation, on va prendre en considération si ces partis politiques, qui sachant ils ont été entachés par des crimes, que ce soit des crimes politiques, des crimes économiques, je parle par exemple du MSP. Du Abu Jarrah Sultani, par exemple, pour moi, je pense que c'est un parti qui devra rendre des comptes avant de le faire participer à aucun dialogue, à aucun dialogue national, par exemple, et devra répondre à certaines questions qui, à mon sens, méritent d'être posées avant qu'on s'assoie autour d'une table, par exemple. Non, mais je pense que la société algérienne est traversée par des courants idéologiques, des courants politiques, hein, dont celui que représente le MSP. Hein. Donc, on ne peut pas faire fi des réalités qui s'expriment dans la société algérienne. Je pense que l'objectif, c'est pas de dire tel ou tel ou tel, hein, parce que bon, moi je ne suis pas là pour délivrer des certificats de bonne conduite politique, etc. J'ai dit au préalable que seules des élections démocratiques vont révéler le poids, la représentativité de chaque courant politique dans la société algérienne. Mmh. Ça, c'est déjà préalable, mais ce qui est important, c'est l'idée de s'accorder sur des règles démocratiques et des principes, le refus de la violence, le refus de l'utilisation de la religion à des fins de pouvoir, à des fins politiques, c'est quand même une condition importante, le respect des libertés, le respect de la liberté de conscience. L'égalité entre l'homme et la femme, ce sont des grands principes qui doivent fonder sur lesquels doivent reposer les institutions algériennes. Maintenant, s'il y a des courants dits islamistes inscrivent dans ce qui acceptent ces principes-là, on n'a pas le droit de dire non, vous n'avez pas le droit de participer, etc. Alors, MSP ou autre, hein, peu importe. Mm-hmm. Hein, il est évident qu'aujourd'hui, les choses sont assez brouillées, on ne connaît pas le poids réel. Oui. On sait très bien que certaines formations politiques ont volé au secours du système pendant des années, hein, mm-hmm. Et qu'aujourd'hui tiennent un discours d'opposition radicale. Bon, c'est vrai que les Algériens s'interrogent, hein, sur la crédibilité des uns et des autres. Mais au-delà des partis politiques, au-delà des appareils, moi je suis convaincu qu'il existe dans la société des jeunes, des moins jeunes, etc., qui, lorsque le champ va se libérer, lorsque les espaces vont se libérer, lorsque les libertés seront respectées, qui vont émerger. Oui. J'ai une dernière question. On a connu le mouvement. Je donne une illustration parce que oui. Illustrer le mouvement des chômeurs, par exemple. Oui. Le mouvement, j'ai vu ça. À titre d'exemple, le mouvement des chômeurs. Eh ben, on a vu émerger un certain nombre de leaders qui sont en plein processus de maturation politique. Moi, j'ai lu avec intérêt ce qu'ils disaient, leur intervention. Ils ne se limitaient pas à poser les questions d'emploi, etc., les questions sociales, mais ils disaient qu'ils mettaient le doigt sur l'obstacle. Hein. L'obstacle, c'est la persistance d'un système. Et je pense que là, il y a eu... Il y a les prémices de la naissance d'une conscience politique. Moi, je pense que les élites de demain, c'est là qu'il faut les voir, au-delà des appareils. Hein. J'ai une dernière question, si vous le permettez. Vas-y. C'est juste au fait, quelle est votre impression sur la presse écrite algérienne? Je parle dans l'impression, c'est par exemple, on voit actuellement sur pas mal de journaux qu'ils essayent de nous vendre un projet d'alternance ou un truc comme ça en posant comme un homme politique en cherchant un homme politique de Batna, Lamine Zerwell, pour qu'il préside une période de transition. Quel est votre commentaire en fait sur ce type de la presse écrite, quoi, la presse qui essaye de manipuler les gens et de leur dire, de leur imposer au fait leur choix. Et quel est votre Oui, mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est nous avons une fausse scène politique et une fausse scène médiatique. Hein. Évidemment, tout cela participe. C'est comme la maladie du. C'est pareil, des manipulations autour, on instrumentalise cette question de part et d'autre, etc. Mais d'une manière générale, on ne peut pas avoir une presse libre en Algérie sans une idée libre et démocratique, sans des institutions démocratiques. C'est un non-sens, hein, que d'imaginer qu'on peut avoir une presse libre. Moi, ça me fait marrer quand de l'extérieur, les Occidentaux, quand ils parlent de l'Algérie, mais on a l'exemple, la fameuse presse libre algérienne, mais c'est un non. Comment on peut avoir une presse libre sous un régime qui reste autoritaire. C'est absolument un non-sens. Maintenant, pour ce qui est de Zerwell, des personnes, etc., moi j'ai toujours dit que la question, ce n'est pas de changer Bouteflika par quelqu'un d'autre. Oui. La question, c'est de tourner la page des années Bouteflika qui ont conduit le pays au bord du précipice. Ça, il faut pas quand même dédouaner les années des Bouteflika, mais je dis qu'il faut tourner la page de 50 ans de confiscation du droit des Algériens à décider librement de leur sort. Voilà la véritable problématique. Après Zerwell ou pas Zerwell, la question est absolument secondaire, mais à ce propos-là, je dirais c'est surtout un ancien colonel qui est à la retraite, qui fait la promotion de Zerwell, c'est Shafiq Mesbah. Voilà. Moi, je dirais tout simplement la chose suivante. Pour après Bouteflika, nous ramène à l'avant Bouteflika. Voilà. Ouais, d'accord, je suis d'accord avec juste. Merci beaucoup pour. Je vous en prie, merci à Adel. Merci à toi, Adel. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci pour l'appel. Merci beaucoup Adel pour l'appel. Merci Samir pour avoir pris le temps de répondre. Je vois qu'on a d'autres appels, j'essaie de les passer, sinon on reviendra à notre petite discussion. Allô, Azul Flaoun, salam alaikum. Marhaba bik, on t'entend pas très bien, Khoya. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Marhaba bik, très bien là, on t'entend très bien. À toi la parole, on est à l'antenne. راني نسمع فيك سي بون معك فرحات مغلاوي العنبة مرحبا بك خويا واش راك خويا لاباس صافا الحمد لله ميرسي بور لابيل جو فوز اون بري والله جو فودري بيان بارتيسيبي ابورتي مون بيتي غران سيل افوتري ميسيون مرحبا بك يعني فيو لو تيتل تاعها جو تروف كو سي تري انتريسون مرحبا بك اون تيكوت خويا. Bon, je présume que, si je ne me trompe pas, c'est ça, le titre de l'émission, c'est les présidentielles de 2014, ou le changement doit-il passer par les présidentielles, c'est ça? Exactement, tout à fait. Est-ce que les présidentielles vont être l'occasion, y confier tarier haqiqi, ou là, c'est quoi ton avis, Inter? Ben, tout d'abord, je m'excuse de m'être pris un petit peu en retard. Non, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas écouté s'il y a des intervenants avant moi, je ne les ai pas écoutés, la parole. Mais néanmoins, je voudrais apporter mon grand air qui me complique. Moi, je vois que la situation que vit l'Algérie depuis plus de 5 décennies a vu des élections et des élections qui s'enchaînent et qui vraiment n'ont jamais apporté un changement substantiel. C'est-à-dire que on est arrivé en 2013. Allô? Allô, moi je t'entends très bien, ça passe, on est à l'antenne, ça passe. Oui. On est arrivé en 2013 à une situation où le peuple ne croit plus en des élections organisées par ce pouvoir. C'est-à-dire toutes les élections, mis à part la parenthèse de 90-91, toutes les élections organisées par ce pouvoir ont été, si je puis dire, des élections à la Naïgelen. Tout à fait. Je ne sais pas si le jeune comprenne ce qualificatif des élections à la Naïgelen. C'est des élections truquées, Naïgelen Hedest, c'est des élections qui se sont passées, je crois, en 1900, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est des élections, d'Elton France à Brésil, truquées, bien sûr. Qui ont laissé ce qualificatif. Yani, عندنا, les élections elles sont truquées, qui m'a fait وقت l'ihtilal français. Absolument, elles sont truquées. Pourquoi? Parce que la nature du pouvoir même fait que ce pouvoir n'est pas prêt à céder sa place ou au changement. Ajouter à la conférence. Allô, allô, Khoya Sherif. On a d'autres appels. Khoya Sherif, si tu nous entends. Moi, je t'entends pas du tout. Allô. Allô, oui. Oui, bonsoir, Samir. Marhababik, Khoya Sherif, on t'entend très bien. Nous avons notre invité qui nous entend. Nous sommes dans une même conférence. À toi la parole. Très bien, merci beaucoup. Salam alaikum. Salam, bonsoir à ton invité, à tous les auditeurs de ta radio. Voilà, moi en fait, je voulais juste intervenir par rapport aux élections de 2014, dont parlent certains hommes politiques, certains opposants, etc. Moi, je me pose une seule question. Dans ce climat, dans les traditions politiques, sécuritaires qu'on connaît en Algérie, comment on peut encore parler des élections 2014? Est-ce que la condition qui devrait être posée d'abord, avant tout, ne serait pas la dissolution du DRS? Parce que nous savons très bien que tant que ce service qui est le noyau et qui est en fait d'où proviennent tous les problèmes de l'Algérie en fait, existe encore, comment on peut parler des élections? On a Bembitour qui parle des élections et que si 2014 on rate l'occasion, ben ça va péter, etc. Je pense qu'il devrait le dire déjà maintenant, parce que de toute façon, nous savons très bien que si les services se mettent ou se proposent d'organiser les élections, c'est déjà raté d'avance, il faut déjà appeler au boycott, ça ne servira à rien du tout. On fait la promotion du DRS en tant qu'organisateur des élections, c'est impossible d'y croire. C'est impossible de s'y aventurer et c'est impossible non plus d'entraîner le peuple algérien dans une supercherie en plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et j'ai à poser aussi à votre invité qui justement aborde ce sujet-là. Absolument. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, quoi? Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord, au lieu de croire qu'on est en train de faire de la politique, parce qu'on ne peut pas faire de la politique dans un régime dictatorial où tous les réseaux, tout est tenu par le DRS, ils détiennent tout et ils veulent encore nous faire croire que le DRS, que les militaires ont les capacités d'organiser un éventuel changement positif pour l'Algérie. C'est impossible. Gens qui ont mené l'Algérie dans une catastrophe pareille, des gens qui ont orchestré le génocide des Algériens, qui ont orchestré l'échec de l'Algérie, qui ont mené toute une génération vers la destruction, vers la fuite, vers la clandestinité, etc. Ils ont détruit tout un peuple par des mécanismes d'institution en plus. Ils ont utilisé tous les moyens institutionnels, non pas pour amener l'Algérie à une certaine évolution, mais pour la détruire et détruire l'individu algérien. Ouais. Alors je ne vois pas comment M. Bembitour... Pardon, excuse-moi, oui. Non, je t'en prie, c'est moi qui m'excuse, je te coupe. En fait, je voulais juste rajouter par rapport à ta question que tu posais à notre invité. C'est juste, je vois que vous êtes d'accord sur cette idée-là, que il y a un service de police politique qui a fait tout ce que tu viens de dire, et que c'est un préalable finalement, si on veut faire un changement réel et un changement durable et positif pour l'Algérie. Sauf que, je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs tous les deux, sur le fait que en réalité ce que nous sommes en train de voir, c'est que c'est il se passe exactement le contraire, c'est que nous sommes en train de voir le DRS prendre même de l'ampleur, le service des renseignements prendre de l'ampleur encore beaucoup plus qu'avant, du moins dans sa partie visible, puisque c'est il est sorti comme ça comme étant le seul qui est capable de protéger l'Algérie depuis quelques mois, et puis peut-être depuis quelques années. Ils ont mené des enquêtes qui ont déstabilisé des pentes du régime, des poids lourds et tout, et c'est une façon de dire que le DRS, non seulement il n'a pas l'intention, peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, il n'a pas l'intention de faire marche arrière, mais au contraire, il veut être là encore plus qu'avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être Samir. Oui. Oui, je ne sais pas ce que tu en penses, Samir, le fait que le DRS est finalement, il est encore là, plus qu'avant. Oui, ben c'est ce que je disais. Ce que je disais au départ, c'est que l'un des signes patents de l'échec malheureusement du pays, le fait qu'aujourd'hui l'Algérie se retrouve reposée, hein, pour ce qui concerne sa stabilité, sa sécurité, sur l'armée et les services. C'est-à-dire que l'échec de l'Algérie, c'est de ne pas réussir. A réussi, c'est que les services démocrates ont bloqué toute évolution politique, tout développement politique, ont bloqué la construction d'institutions, etc. Ça, je crois que c'est acquis. La première partie de l'intervention du monsieur dont j'ai pas retenu le prénom, effectivement, moi je suis d'accord, il faut des préalables. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de politique, évidemment, sous un régime autoritaire. On ne peut pas faire de politique sans que les libertés politiques soient garanties et respectées, sans que le droit de rassemblement, de se réunir ne soit garanti, etc. Le droit de manifester. Oui. Nous sommes en plein discrédit du politique. Hein. On a une fausse scène politique, une fausse... qui a été sélectionné sur la base du clientélisme, de la corruption et puis des élections truquées. Voilà la réalité aujourd'hui. Maintenant, sur le DRS, la dissolution, non, pas la dissolution, parce que il ne s'agit pas de dissoudre le DRS, il s'agit de le contraindre à ce qu'il abandonne cette fonction de police politique, hein, qui bloque le pays, qui paralyse le pays. Le pays a besoin, surtout dans un contexte, tout de même assez trouble, hein, contexte international ou tout au moins régional, hein, avec ce qu'on a vu, ce qui se passe aux frontières, besoin de services de sécurité qui sont performants, qui se consacrent à la tâche essentielle de garantir. Protéger le pays, protéger les frontières, la sécurité nationale, hein, du pays. Mais maintenant, la question qui se pose, il faut que contraindre ces services à abandonner leur mission, la fonction qu'ils ont usurpée, celle de police politique. Voilà. Est-ce qu'il s'agit de les désengager du politique, ouais, de contraindre par la mobilisation pacifique. Les Algériens, il s'agit effectivement de les contraindre à se désengager du lieu politique. D'accord. Voilà. Mais dissoudre le DRS, ça n'a pas de sens. Dans le contexte actuel, ça n'a absolument aucun sens. On dissout le DRS et après. Donc voilà. Dans un pays où malheureusement nous n'avons pas de force politique organisée alternative, nous n'avons pas de médiation sociale et politique puissante, hein, de forces syndicales, d'associations fortes. Demain, si ça sera difficile d'arrêter les choses. Hein. Ouais. En fait, si je peux me permettre, moi j'ai utilisé le terme de dissolution parce que on est justement dans la dissolution de la police. Je suis d'accord avec vous. Oui, c'est ce que je voulais dire en fait. Voilà, exactement, très bien. Donc, on s'est compris. Exactement. Parce qu'en fait, on est quand même dans une nécessité d'un changement structurel et fondamental. On peut plus jouer à la réfection et au bricolage, d'où cette expression de dissolution. Ça veut dire que, de toute façon, ces services-là n'ont jamais fait de pratique où ils sont, je pense, même pas formés à autre chose que de la surveillance et le flicage du peuple algérien. Ça a été leur mission depuis 62. C'était de matraquer, de surveiller, de matraquer, d'opprimer et de contrôler le peuple algérien. Je ne pense pas qu'ils ont la capacité de pratiquer autre chose dans une Algérie nouvelle. C'est pour ça que je parle aussi de dissolution. Et puisque nous parlons aussi du fait d'envisager un changement radical, il est indispensable que cet état d'esprit, cet esprit qui règne au sein de ces services et dont ils ne connaissent pas autre chose, disparaisse complètement. On a entendu récemment la dissolution d'un service qui a été créé depuis 2003 en parallèle, soi-disant, je connais pas très bien le sujet, mais qui vient d'être dissous et qui vient d'être annoncé par l'OTAN, etc. Je veux dire, pourquoi pas le DRS et envisager la construction d'un autre service qui sera formé, qui sera prédisposé, qui sera dans un autre état d'esprit de servir l'Algérie, les Algériens. Le DRS, je ne pense pas qu'il ait des capacités de faire autre chose que d'opprimer le peuple algérien, car ils sont nés pour ça, ils ont été formés pour ça, ils ont baigné dans ça, ils ne connaissent pas autre chose, ils ne savent pas autre chose. D'où les déclarations de Chaguer Mosbah sont complètement erronées, sont complètement contraire au titre qu'on essaie de lui dire en tant qu'intellectuel algérien, d'autant plus qu'il est annexe du DRS. Franchement, sans aller beaucoup trop loin, je pense qu'il devrait avoir honte d'essayer de nous vendre encore ce service qui nous a appris l'échec, de l'Algérie et des Algériens. Il devrait se taire et utiliser d'autres estrades, etc., parce que c'est honteux ce qu'il vient de nous apprendre. C'est honteux ce qu'il vient encore, après tout le drame algérien, et ce qu'il vient de nous dire aujourd'hui, que le DRS est capable d'organiser un changement positif. Voilà. Je pense que, si tu permets, Khoya Sherif, je pense que concernant le Chafiq Msbah, l'ancien colonel des renseignements, ou là même n'importe qui, je pense à mon avis, à partir du moment où les gens s'expriment et font une analyse politique, tout le monde a le droit de faire des analyses politiques, comme nous-mêmes, on se fait tous nos analyses. Du coup, après, on n'est pas d'accord effectivement, et puis nous aussi, les Algériens, on a tellement su et de propagande et de faux sujets et des pièges et des mensonges et des choses comme ça qu'on devient effectivement réticent, et c'est même mon cas personnel, mais c'est vrai que il s'est exprimé, il a donné son avis, je pense qu'il a il a été commenté, les gens ont dit soit ils sont d'accord soit ils sont pas, voilà. Tout à fait. C'est notre droit aussi en tant qu'Algérien de donner notre avis sur ce qu'on nous impose aussi. Hein. Exact. Et cette émission est faite pour ça, justement. Exactement. Et je vous remercie. Juste une dernière question, c'est que moi, ma crainte en tant qu'Algérien, c'est que avec les services et avec la mainmise des militaires, qui ont toujours reproduit le même schéma, c'est que nous n'allons pas vers une issue favorable et positive en 2014. Ils vont refaire le même schéma, ou soit on va accepter de jouer le jeu et accepter une supercherie nouvelle, ou soit ils vont nous matraquer et ça va être encore un drame pour le peuple algérien. On a entendu la formation d'un groupe armé dans le sud. On s'étonne, certains disent que c'est de la manipulation, etc. C'est possible, mais je pense qu'à un moment donné, on ne devrait plus s'étonner que le peuple algérien se radicalise face à cette impasse, en fin de compte. Hein, parce que, je pense que ma plus grande crainte, c'est que le régime ne veut pas faire marche arrière. Il ne comprendra jamais les moyens politiques, pacifiques, etc., bien qu'elles sont louables. Mais je ne pense pas qu'on est face à un régime qui comprendra une négociation politique dans l'intérêt du peuple algérien. Parce qu'ils sont allés beaucoup trop loin dans le crime, dans l'assassinat, dans le vol, dans le pillage des richesses, dans la traîtrise de l'Algérie. Depuis 62, ils sont tellement allés plus loin qu'on a du mal à imaginer que ces gens-là vont rendre d'une manière pacifique le contrôle au peuple algérien. Donc ma plus grande crainte, c'est que ça va aller de pire en pire et que le peuple algérien va devoir encore payer la note, quoi. Et en plus, je suis vraiment horrifié par la déclaration du président français, là, dernièrement, qui parle d'institutions solides. Moi, je dirais qu'elles sont tellement solides qu'elles ont brisé 30 millions d'Algériens. Elles sont tellement solides qu'elles ont cassé les Algériens. Tous les Algériens fuient le pays à cause de cette solidité et cette rigidité de ces institutions. C'est aussi une honte qu'un président socialiste d'un pays démocratique vienne nous apprendre l'état de nos institutions. Nous, on les a subis. Nous, on les connaît. Voilà, c'est un coup de gueule. Très bien. Et il est clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein, Texaha, merci à toi pour l'appel, Roya. Tu peux rappeler quand tu veux. Bien. Un petit mot, Samer, si tu veux, si tu permets, sur cette question du DLR. Je pense que le débat doit avoir lieu, dans la sérénité, justement, compte tenu un petit peu des circonstances que nous traversons, et des périls qui sont réels. Hein. Contre l'instrumentalisation des périls extérieurs à des fins démagogiques, populistes, comme le fait le pouvoir actuel et comme le fait certains acteurs politiques. Je parle notamment, par exemple, de Louise Hanoun. Mais il n'en demeure pas moins que les risques sont réels. Donc, pour le DLR, je pense qu'il faut aujourd'hui que l'élite, d'une manière générale, et c'est pas simplement l'élite politique, mais le médiatique, l'intellectuel, etc., pose cette question fondamentale en disant que quelle est la place des services de renseignement dans notre pays. Et puis il faut proposer aussi une réforme aussi de ces services-là. Je pense que c'est un progrès, il s'agit de reformuler quelle est la place des services. Et puis d'aller vers de véritables réformes dans le cadre d'un processus démocratique. Mais tu es d'accord avec moi ou pas, je sais pas, on est en train d'observer exactement le contraire. On voit que le DRS veut prendre encore plus de place, il veut même exister médiatiquement alors qu'il était très secret il y a quelques années. Maintenant, il est, c'est-à-dire on fait son apologie dans certains articles de presse et des choses comme ça. Tout à fait, je suis avec toi. C'est-à-dire qu'il faut s'adresser à la société. Je pense qu'il faut se libérer un petit peu aussi de cette espèce de fascination vis-à-vis des services de nos fêtes. Il faut être ferme, en disant que vous êtes responsable de la situation que se trouve l'Algérie aujourd'hui. Ils sont responsables. Ils ont bloqué le pays. Ils ont mené le pays à une impasse. À une impasse totale. Comme me le disait un ami journaliste, il disait finalement le DRS, si on peut, du moins l'équipe de l'actuel chef du DRS, nous avons beaucoup d'appels en fait, Samir. Je vais arrêter de parler, je vais essayer de passer nos amis qui appellent si tu permets. Ah, bien sûr. Ouais, on va essayer de laisser parler un maximum de gens, c'est déjà ça. Donc les gens Khaouti qui nous écoutaient, vous pouvez appeler. J'ai vu plusieurs appels en fait, là ça s'est arrêté. Vous pouvez appeler sur Skype Chicha DZ. Je prends notre ami Anwar Sétif. Très bien. Donc là nous avons notre ami Halim qui nous appelle de Chlef. On est à l'antenne Khoya. Merhaba bik. الله يسلمك خويا غير جو فو بريزونتي الجماعه اللي بالك ما يعرفونيش سي مسيو فدال حليم لو سكرتير جينيرال اجوان دو لاسوسياسيون ناسيونال انتي كوربسيون تري بيان بون اون فان شو انتيرمون داكور مع مسيو سمير كونسيرنون لو رافالمون دو فاساد bon, l'Algérie, elle a un problème de légitimité depuis 62. Bon, le thème, c'est est-ce qu'il y aura un changement, c'est-à-dire politique en Algérie à partir des élections de 2014. Bon, moi, je suis très sceptique parce que actuellement, qui fait la politique en Algérie, qui produit la politique en Algérie? C'est les services. C'est les services qui font la politique en Algérie. Donc, il y a eu actuellement ce qu'on appelle les révolutions arabes. Et bien sûr, l'Algérie ne peut pas être indifférente. Donc, le pouvoir en place, c'est, il est tout à fait normal qu'il va changer de politique, parce qu'il est dans une situation où il doit changer sa politique. Donc si on parle de pouvoir, le pouvoir, il est conçu de telle façon que, c'est-à-dire, sa stratégie globale, c'est comment se maintenir avec le minimum de problèmes et de risques. Donc actuellement, il est obligé de faire, c'est-à-dire de faire des changements, des réformes. Voilà, il est obligé de faire des réformes, mais on ne sait pas, c'est-à-dire on va le savoir très prochainement s'il y aura une ouverture politique, s'il y aura la libéralisation, c'est-à-dire du champ politique, médiatique, même de l'économie, parce que même l'économie, c'est-à-dire même si on parle d'économie dans ce système, même l'économie, elle est verrouillée. Donc, la question qu'on doit se poser actuellement, nous, c'est-à-dire la classe politique, tout à l'heure, M. Bouakouir, il a parlé d'acteurs politiques, il a cité Louisa Hanoun. Moi, sincèrement, je ne peux pas appeler cette personne un acteur politique. Pour moi, ça, c'est les résidus d'un pouvoir qui est pourri, c'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup de pourriture, il y a un résidu qui est... Et ça, c'est les résidus du pouvoir tel que du GTA et tout ce qui s'en suit. Donc, actuellement, qui doit faire le changement? Qui doit être garant du changement? Est-ce que les acteurs politiques, disons, réels, pas les résidus du pouvoir, sont capables de faire un changement et de garantir ce changement? C'est-à-dire, je parle de la mobilisation des masses. Actuellement, je parle actuellement. Parce que, sincèrement, si vous parlez d'un changement politique à partir des élections présidentielles, et vous avez cité le cas de Bembetour, j'ai déjà parlé la dernière fois de M. Bembetour. J'ai dit qu'il lui a donné ce droit de se proposer président et que l'opposition va le poursuivre. C'est-à-dire, il y a des échos actuellement qu'un comité de soutien qui est en train de se constituer au niveau de chaque wilaya pour ce candidat. Et ça nous rappelle, c'est-à-dire, ça nous rappelle les, disons, le, ça nous rappelle l'avant-Bouteflika. Donc, c'est le même scénario se répète. Voilà, c'est le même scénario. Et moi, j'ai dit que ce système, c'est-à-dire, il ne peut pas apporter de... C'est-à-dire, il peut pas faire de changement. C'est-à-dire, ce système, il porte les ingrédients de son anéantissement, c'est-à-dire de sa disparition. Donc, c'est sûr qu'il va continuer par la politique de gagner du temps. Ça veut dire gagner le maximum de temps. La majorité de Hamram grippe et moutou. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop espérer. À mon avis, parce que moi je n'ai pas tous les éléments sur moi, mais je pense que ce pouvoir, il va essayer de gagner du temps. Et donc, sincèrement, je n'ai pas de questions, je suis entièrement d'accord avec très bien, très bien, très bien. Non, non, c'est très clair. On n'est pas obligé d'être contre, hein. On peut aussi être d'accord. Très bien, Texaha Khoya Halim. Merci pour ta contribution. Je ne sais pas si Samir Bouakouir, si tu as un commentaire à faire ou là. Oui. C'est surtout une impression. Il faudrait pas quand même qu'on ait cette impression-là que finalement tout est fini, tout est acté, tout est. Ça serait rajouter du pessimisme à la sinistrose nationale. Je pense que L'environnement agit énormément. J'ai mis tout à l'heure en évidence les changements que connaît le monde. Et je pense que l'Algérie ne peut pas rester en marge de ces bouleversements. À moins que de devenir, comme le veut justement Louis Hanoun, une Corée du Nord sans l'arme nucléaire. Mais ça, c'est pas évidemment, c'est pas l'option des, c'est pas le rêve caressé par les pionniers du mouvement national. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a on a parlé des services de renseignement qui ont une place prépondérante. Ils contrôlent la scène politique. Le politique, c'est eux, d'une manière générale. C'est-à-dire que tenter de faire de la politique en dehors de l'influence des services est quasiment impossible aujourd'hui en Algérie. Mais les facteurs externes jouent énormément. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une chance d'aller vers une solution qui soit strictement nationale. Et c'est la solution préférable. Parce que c'est celle-ci qui va faire que nous préservions notre souveraineté nationale. Il y a eu dans le passé des occasions ratées. Je cite l'exemple du contrat national de Rome, qui a été une chance, évidemment, pour le que cette espèce d'état d'exception dans lequel se trouve l'Algérie. Donc il y a eu des occasions ratées. En 99, avec la venue de Bouteflika, c'est aussi une occasion ratée, parce que le pays s'est retrouvé avec une embellie financière sans précédent, qui aurait pu permettre au pays d'engager une transition. Donc l'Algérie, c'est malheureusement une succession d'occasions ratées. Alors soit aujourd'hui nous allons vers une solution nationale, sous forme du pacte, mais ça c'est une idée que je propose, ou sinon le changement risque d'être dicté de l'étranger, mais il va être dicté au profit des intérêts occidentaux. Et ça sera fini de... Vous savez qu'un pouvoir faible qui ne dispose pas de légitimité populaire, c'est un pouvoir qui fragilise le pays. Et qui est la proie de pressions extérieures qui sont extrêmement importantes. Seul un pouvoir légitime, seule une autorité politique légitime est capable de négocier les intérêts nationaux dans le cadre justement de cette mondialisation qui s'impose à nous. Donc voilà le choix, nous sommes devant un choix. Ou nous allons dans le mur, mais à ce moment-là, il y aura des changements, mais au profit uniquement des Occidentaux, ou nous allons vers une solution nationale. Moi, j'ai la faiblesse de croire qu'il est possible encore d'aller vers cette solution nationale. Je rappelle une chose que novembre 54, vous savez, quand il y a eu le déclenchement de novembre 54 de la révolution algérienne, il a fallu attendre 2, 3 ans, 4 ans pour qu'il y ait une mobilisation, pour que le peuple se mobilise autour donc des mots d'ordre d'indépendance. Moi, je crois que le peuple algérien a la capacité de trouver, indépendamment de ce qu'on peut penser, il a la capacité de trouver les ressources en lui-même, qui permettront justement de se mobiliser puis de sauver l'Algérie. Très bien. En fait, je sais pas. Là, tout à l'heure, j'ai eu Monsieur Jamaldine Benchnouf qui a essayé d'appeler. J'ai vu. Roya Halim, s'il y a pas d'autres commentaires, j'essaie de faire passer Monsieur Benchnouf. Je l'ai en ligne là. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour ton intervention. À très bientôt alors. Merci beaucoup, Khouya Halim. J'essaie d'introduire Khouya Jamaldin. Marhaban Bik. Khouya Jamaldin, tu m'entends? Nous on t'entend pas. Là, et pourtant, je l'ai rajouté à la conférence. Khoya Jamaldine, en fait, je vais essayer de te rappeler. Allô. Allô. Allô. Allô, oui, Khoya Jamaldine, nous on t'entend très bien, mais si tu peux juste couper la radio Andek et on va parler que sur Skype. Allô. Allô, allô. Allô. Oui. Allô, oui, Khoya Jamaldine, nous on t'entend très bien, mais si tu peux juste couper la radio Andek et on va parler sur Skype. Non, j'ai aucune radio, c'est pas chez moi. Allô, allô. Ah, il y a un retour. Ah, peut-être il y a un autre micro dans notre pièce. Si ça ne dérange pas, je vais faire le saut. Notre pièce, probablement mon fils qui est en train d'utiliser le même. Ouais. Ah, il y a un retour. D'accord, attends. Khoya Samir, tu m'entends? Ah oui, j'entends. Très bien. Donc, nous avons Jamaldine Benchenouf qui essaie d'appeler. Je pense qu'il y a un petit retour, un petit problème de micro. Là, j'ai coupé pour le moment avec lui. J'ai vu, il m'a fait un petit texto sur Skype avant. La question va être, à mon avis, sur le FFS. C'est vrai qu'on n'a pas abordé la partie FFS alors que Ntaya, tu es militant du FFS. On reprend Jamaldine. Allô, Khoya Jamaldine, tu m'entends? Si Khoya Jamaldine, si tu peux couper ou fermer la fenêtre où il y a Radio Chicha, il faut la couper. On va parler juste sur Skype. Allô, Khoya Jamaldine, tu m'entends? Oui, je suis en ligne, je t'écoute. J'espère qu'il n'y a pas de retour. Non, le retour, il vient de ta page internet où il y a Radio Chicha. Oui, je comprends maintenant, d'accord. Ok, et maintenant, ça va mieux ? Là, c'est très clair. Ah, là, c'est très bien. Ouais. Marhababik, nous sommes en direct, là. Eh bien, Khoya Samir, d'abord, permets-moi de te féliciter. Tu es gentil. Comme d'habitude, je suis toujours à la hauteur. Très franchement, moi, je suis à chaque fois très, très, très content quand je te vois sur le créneau, parce que c'est bien que des jeunes comme toi... comme Samir Bouakouir aussi, comme s'investissent, parce qu'on a marre des vieilles souches, et c'est bien vous apporter un air de renouveau, et j'espère que, je suis sûr, et je vous fais confiance pour faire aboutir. Eh bien, merci beaucoup pour l'encouragement, Khoya. Mounsalim ala Samir Bouakouir. La yassalimak, Jabal. Aïcha Kibakchi. Donc, Samir, si tu permets, moi j'ai deux volets de questions à te poser, enfin des questions sur deux volets. D'abord sur le FFS, moi je suis très très étonné que les leaders du FFS, que toute la base militante, donc toute la base militante attend qu'il lui apporte des réponses à un moment de... j'allais dire de détresse, de désarroi, il y a un silence total, et je ne veux pas mettre ça sur le seul compte de la discipline du parti. Parce que moi j'aimerais que des leaders comme toi, comme d'autres, du FFS, des jeunes qui sont des valeurs montantes dans le FFS, puissent s'exprimer pour ne pas laisser cette formidable dynamique qu'a été le FFS, être détourné avec autant de facilité et avec autant de... Avid Leroula, j'aimerais avoir ton avis sur la question. Qu'est-ce qui se passe au FFS? Qu'est-ce qui s'est passé au FFS? Pourquoi ce silence des consciences du FFS que tout le monde respecte, tout le monde estime? Et qu'est-ce qui va se passer? Allez, d'un côté, donc c'est... je voulais poser une question sur ce volet-là. Et sur l'autre volet, pour tout donner en pack d'une seule fois, pour ne plus avoir à intervenir, à mon avis, à mon humble avis, moi je crois que les prochaines élections présidentielles, elles sont plus que compromises. Parce que moi, je ne vois pas comment on pourrait amorcer une telle échéance. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois une solution? Est-ce que tu imagines une dynamique? Comment vois-tu la situation? Voilà. Merci. De toute façon, tu peux rester avec nous, Jamal. Il n'y a pas de problème. Oui, on peut... ouais, très bien. Plaisir. Oui, voilà. À toi la parole, Khoya Samir. Merci Jamel hein, pour tes questions. Je salue en toi le militant hein, engagé et honnête, et, etc. Je vais commencer par la deuxième question pour revenir à la première qui est un peu plus peut-être un peu plus longue. Je ne sais pas si tu m'as écouté. Allô. En ce qui concerne les Marabesh le smart où je crois que Macabel a les élections à l'État 2014, j'ai dit que le système est incapable d'organiser des élections libres, que deuxièmement que tout ce qui aujourd'hui toute la mise en scène actuelle hein, orchestrée ne laisse pas un instant penser que ces élections vont la voie démocratique. J'ai dit que une élection, c'est pas le jour J, qu'au préalable, il est nécessaire de créer les conditions d'un véritable débat. L'élection présidentielle, c'est l'occasion, comme dans tous les pays qui se restent. De vraie de projet, etc. Or, le problème en Algérie, c'est que nous n'avons pas d'espace politique autonome, un espace de discussion, de communication et de délibération, hein, comme le qualifiait le philosophe allemand Habermas. Nous ne sommes pas dans cette situation. Donc la question fondamentale qui se pose, au-delà de la construction des institutions, c'est de construire un espace politique autonome. Qui est arraché justement à l'emprise des services de renseignement. Voilà, donc c'est de libérer le champ politique, de permettre à l'Algérie d'entrer de plein pied en modernité politique. Donc les conditions ne m'apparaissent pas aujourd'hui réunies pour aller vers de véritables élections libres. C'est pour ça que je dis que aujourd'hui la responsabilité du DRS est engagé parce qu'il a bloqué tout processus politique de construction d'institutions, donc sa responsabilité est aujourd'hui plus engagée qu'avant, mais il y a la responsabilité aussi des acteurs politiques qui acceptent justement d'évoluer dans des règles fixées justement par les services de renseignement et qui ne refusent de poser les questions fondamentales. Donc sur cela, je ne fais pas d'illusion. En ce qui concerne le FFS, bon, je dois quand même apporter une précision en ce qui concerne ma relation personnelle avec l'appareil actuel du FFS. J'ai exprimé un désaccord politique de fond avec l'appareil actuel. Je l'ai exprimé publiquement. Je tiens à préciser que il ne s'agit ni de questions personnelles, ni de questions de lutte de pouvoir à l'intérieur de l'appareil du FFS. J'ai simplement posé la question, effectivement, de la ligne politique et du respect de la ligne politique historique du FFS. L'appareil, c'est... On m'a souvent présenté comme un dissident du FFS. Moi, je dis tout simplement que moi, je reste sur l'historique telle qu'elle a été définie dès 1963 et incarnée par Hussein Aït Ahmed. Et je dirais que c'est plutôt l'appareil du FFS qui est rentré en dissidence avec cette ligne politique. Donc moi, je continue à me revendiquer donc de la ligne historique. Beaucoup de militants du FFS continuent de se revendiquer de cette ligne historique. Maintenant, l'appareil du FFS a pris d'autres options politiques. C'est son choix, mais moi, je continue à dire que c'est une dérive politique. Et c'est une dérive politique. Et si je peux me permettre... Bien sûr, au contraire. Alors, sur ta deuxième réponse, je n'ai jamais douté un seul instant que tu es... un dissident par rapport à l'appareil, pas par rapport au parti ni à son esprit, à l'esprit qu'il a toujours conduit. Seulement, aujourd'hui, il y a des questionnements dans l'air qui sont sans réponse, et on aimerait, on souhaiterait que des militants comme toi, des leaders, des gens qui ont la confiance de la base, parlent, s'expriment sur la situation. Ça veut dire que, c'était l'objet de ma question, pourquoi cette réserve qui confine à une forme de discipline de parti, alors que, qu'en fait, cet appareil, comme tu dis si bien, du parti, a complètement dévoyé, pourvoyé ce parti. Pourquoi ce silence que d'aucuns comprennent comme étant une discipline de parti, alors qu'en fait, les gens, beaucoup de militants du FFS, beaucoup de sympathisants comme moi, qui ne suis pas militant, mais qui ai toujours eu pour ce parti beaucoup d'admiration, sommes dans l'expectative, dans le questionnement. On aimerait que les gens qui sont du FFS comme toi nous parlent de la situation en termes vrais, en termes crus, pour nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils envisagent. Très bien, j'allais la rajouter la question à celle de notre frère Jamel. J'allais dire justement qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir et est-ce que au sein du FFS il se constitue actuellement des groupes y compris des groupes je veux dire de réflexion, pas seulement de lutte ou de bagarre ou de dissidence, je ne sais pas comment certains veulent appeler ça, mais est-ce que il se constitue des groupes et c'est quoi leur revendication en fait, les groupes? Des groupes, c'est-à-dire, qu'il y a des... moi j'ai dit qu'il y avait beaucoup de militants qui ne se reconnaissent pas dans le entre guillemets la nouvelle ligne politique de l'appareil. Je la mets entre guillemets parce qu'elle est vous arrivez à percer le mystère de la ligne actuelle de l'appareil du FFS. Moi, je dis simplement qu'il y a énormément de militants de base qui restent attachés à la ligne du FFS telle qu'elle a été définie en 1963 et qui s'inscrit dans un changement radical, un changement à l'intérieur du système ou un simple ravalement des façades du système. Moi, j'ai considéré que, je rappelle simplement à Jamel et même à Samir, ils doivent le savoir, même aux auditeurs qui écoutent, que moi, je me suis engagé dans les élections législatives, parce que, à l'époque, je considérais qu'il s'agissait de donner une chance à une évolution pacifique, institutionnelle, hein, de permettre une dynamique institutionnelle par l'élection d'un vrai parlement national, d'un vrai parlement démocratique. Or, le 10 mai, il y a eu un coup de force, nous avons vu le système imposer une majorité FLN au pays. Moi, j'ai tiré les leçons, les conclusions, l'appareil du FFS ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait et j'ai considéré que la dérive était là. La dérive était là et qu'il y avait un début politique de l'appareil. Station qui intervenait avec justement l'imminent art de Hossein Aït Ahmed, car il faut savoir que si le FFS a pu résister à la normalisation durant presque 50 ans hein, d'existence du FFS, Hossein Aït Ahmed, qui a et que du pouvoir en place. Donc l'actuelle entre guillemets elle est lisible et visiblement je pense que l'appareil actuel du FFS s'oriente vers bassin qui lire probablement dans la future le futur ravalement de la façade démocratique du pays. Maintenant, je dis de manière très claire, si demain l'appareil sur renoue avec cette ligne politique radicale, hein, de radicalité politique, hein, à ne pas confondre avec le radicalisme populiste, mais radicalité politique, c'est-à-dire que l'affirmation que le politique, tel que je l'ai écrit dans un papier récent, c'est-à-dire quand j'ai parlé de démocratisation du politique, c'est-à-dire libérer le politique de l'emprise des services de renseignement, si demain l'appareil du FFS se remet sur cette ligne-là, moi j'applaudirai dès demain. Donc je n'ai pas de problème personnel avec des personnes à l'intérieur de l'appareil, mais mon problème, il est d'abord politique. Et je dois dire qu'effectivement, ce revirement de l'appareil du FFS porte un coup à la construction d'une véritable alternative politique dans notre pays. Et c'est cela, le mécontentement, pas simplement des militants de base, mais beaucoup de citoyens dans notre pays, qui fondaient d'énormes espoirs sur ce parti. Tu as dit, Samir, je n'ai pas de problème personnel avec des personnes qui... moi, je crois qu'en fait, les militants sincères de ce parti, comme toi et comme d'autres, devraient avoir des problèmes personnels avec ces gens. Puisqu'ils ont mis le grappin sur une idée, sur un rêve, sur un objectif, sur quelque chose qui a été porté, comme tu l'as dit, pendant plus de 50 ans, et que aujourd'hui, un groupe de personnes s'est accaparé ce vieux parti, cette idée, ce parti progressiste, et qu'ils se servent de la discipline du parti pour réduire au silence quiconque veut contester leur mainmise sur la société. Bon, mais la question a été posée, elle a le mérite, la réponse a le mérite d'avoir été faite d'une façon ou d'une autre, quoiqu'elle ne me satisfasse pas pleinement. J'espère néanmoins que vous ne laisserez pas faire et que vous ne laisserez pas ce parti devenir l'otage d'une clique, parce que je crois que le FFS n'appartient à personne, pas même à Ahmed lui-même, avec tout le respect, toute la considération qu'on lui porte. J'espère que le FFS restera ce qu'il a toujours été, ou redeviendra ce qu'il a été, et qui nous permettra peut-être de l'avoir à notre tête avec d'autres forces pour essayer de libérer ce pays. Je vous remercie, merci beaucoup Samir. Merci à toi. Merci Jamel. Je rajouterai simplement une chose avant que tu partes, Jamel, c'est que il ne faut peut-être pas confondre le FFS avec l'appareil actuel. Moi, je ne le confonds pas. Le FFS incarne un idéal, une idée, une idée du changement, une idée d'une Algérie démocratique, libre et démocratique. Je pense qu'il ne faut pas le confondre avec l'appareil actuel du FFS. À aucun moment, Samir, je ne confonds les deux. J'ai bien compris. Je pense que beaucoup de militants sont conscients sont attachés à l'idéal et non pas se reconnaissent pas dans cet appareil-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas insulter l'avenir et puis que les choses peuvent bouger à l'avenir. Inch'Allah, on compte sur vous. Et je te remercie, Samir. Merci beaucoup à toi pour l'intervention. Pour votre hospitalité, au plaisir et bon courage, bon vent. À toi aussi. Tenez bon, merci beaucoup. Merci Khouya Jamel Din pour l'intervention. Merci aussi à Samir d'être patient comme ça et de prendre un peu toutes les questions. On n'avait pas abordé bien sûr le côté FFS, puisque Samir est militant du FFS, cadre du FFS. Et donc voilà, la question, elle est posée, on en a quand même parlé. Il y a d'autres appels depuis tout à l'heure, il y a des bips en fait, ça appelle. Je vais essayer de prendre notre frère Jamel Ali Lesh qui nous appelle d'Alger. Allô Khouya Jamel. Allô Khouya Jamel, tu m'entends? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, marhaba bik, nous sommes en direct. Oui, je vous salue. Je salue votre invité, Samir. Marhaba. Et tous vos invités en même temps. Merci pour l'appel. Je viens d'arriver, enfin, je n'ai pas. Enfin, je prends la parole ou là bah, oui, vas-y, on t'écoute, à toi la parole. Ok, merci. Donc, je viens d'arriver, je n'ai pas suivi tout le dialogue qui s'est déroulé. Mais, a priori, je viens de voir que le sujet a été légèrement dévié vers un sujet un peu. Vers un autre sujet, absolument. Du changement, par exemple, Jamal qui vient de partir, qui vient de nous quitter. Mm-hmm. Absolument. Bien sûr, c'est une bonne intervention, elle a été bénéfique pour nous, parce que moi aussi je suis un ex du FFS à Staouali, mm-hmm. que j'ai quitté, ça fait très longtemps, suite à des pratiques que j'ai constatées déjà à l'époque. Mm-hmm. Donc, je suis un homme de rupture, je ne suis pas du même avis que ceux qui disent que je reste. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'on attend qu'il y ait un changement au niveau de ce parti, mais enfin, disons que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Il n'y a rien d'accord. à dire, Samir. Il n'y a pas de problème. On a le sujet du changement politique en Algérie, les élections de 2014. Voilà. Je ne voudrais pas vous détourner du sujet très bien. Plus longtemps que ça. Donc, je rentre directement dans le sujet, mm-hmm. celui du changement. Mm-hmm. Justement, il y a quelques minutes, j'étais en discussion avec un des hommes qui accompagne Mbetour dans sa campagne de ramassage de signatures ou de reconnaissance du terrain, etc. Mm-hmm. Et j'ai dû lui dire, Abli, vous êtes... moi, je vois que... Donc, vous n'êtes pas sur la bonne voie, à mon avis, mais avec tout le respect que nous devons à tous ces bonnes intentions qui bougent sur le territoire. Mmh. Hein? Mmh. Mais on ne peut que leur dire, vous faites erreur, c'est pas possible d'aller vers des élections à l'heure actuelle, en l'état actuel des choses, et c'est pas possible. Mmh. Ces gens-là, ils se réunissent entre eux, ils décident ce qu'ils veulent à chaque fois, et à chaque fois, c'est toujours ce qu'ils veulent. Donc, vous allez jouer le rôle de lièvre, à quoi ça sert, quoi. Mmh. Non, maintenant, moi, à mon avis, d'ailleurs, on a fait, moi, je viens de faire, comme a fait Dr Sedom, une initiative. Moi, j'ai fait une initiative, j'ai proposé une initiative citoyenne. Mmh. Citoyenne pour la sauvegarde ou bien le salut de l'Algérie, carrément. Mmh. Mmh. Et cette proposition, moi je l'ai faite après avoir vu, mais il n'y a pas d'autre issue. Maintenant, si nous voulons passer à un changement pacifique, bien sûr, tout le monde veut un changement pacifique, mais aussi radical. Ce que n'acceptera pas le système, vu un passif. Un passif trop lourd et puis trop encombrant, et ils se retrouveraient tous bien sûr devant la justice, ça c'est certain. Ils laisseront pas faire. Donc moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit bon, dans ma proposition, vu la gravité de la situation, il faut que qu'il y ait une initiative citoyenne qui se réunisse dans pour prendre des initiatives sur le terrain, c'est-à-dire passer à appeler, bon, bien sûr, constituer un groupe homogène, un groupe solide, sûr et certain, et qui a l'audace d'aller vers l'avant, d'aller vers une confrontation avec ce pouvoir, mais une confrontation d'idées, et puis une confrontation aussi active. C'est-à-dire appeler à une grève générale, une désobéissance civile, mais il faudrait que ce groupe ait quand même un certain aura auprès des populations, et c'est ce que, je propose, qu'on se rencontre, ces bonnes volontés qui ont quand même une certaine influence sur les populations, qu'on se rencontre en un groupe soudé, un bloc uni, qui va lancer ces appels-là. Voilà de quelle manière nous devons, à mon avis, affronter ce pouvoir qui ne va pas bouger, vu que pour lui, bouger du pouvoir, c'est se mettre directement entre les mains de la justice, et puis vous connaissez la suite. Je m'excuse d'avoir été assez long, mais enfin, si je peux réintervenir, je vous passe la parole. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si Samir il a un petit commentaire sur ça, mais juste avant, si tu permets, Khoya Samir, je voulais juste rajouter à ce que vient de dire Monsieur Lalilash. En fait, là, il revient sur l'idée que tu as développée, Samir, tout à l'heure, sur le pacte auquel tu appelles toi aussi, en fait, dans le but de faire d'assurer un changement ou une transition vers une nouvelle république, comme disent certains, ou vers un état de droit, un réel état de droit, ou trouver des solutions à la crise politique que vit l'Algérie. Mais dans quelles conditions est-ce que, quand on observe actuellement ce qui se passe, comment faire pour arriver à un pacte, notamment quand on entend certains, souvent en fait, il y a un sérieux problème en fait entre, corrigez-moi si je me trompe, mais entre les conservateurs d'un côté et ceux qui se disent démocrates ou la moderniste ou en général la gauche, souvent on voit qu'il y a un rejet l'un de l'autre. On voit bien que certains des islamistes ou la conservateur, notamment salafiyine, ils rejettent complètement le clan Hadhat, les démocrates ou les gens de la gauche, et ils ont un problème avec eux. Et on voit la même chose en fait du côté de la gauche. Ils rejettent les islamistes en considérant que c'est un vrai problème, un danger et des choses comme ça. Eh ben, à mon avis, cette situation pose le problème du pacte dans lequel, pour lequel vous appelez tous les deux, de toute façon, tel que je vous entends. Qu'est-ce que tu en penses, Roy Samir? Oui, enfin, dans mon esprit, il ne s'agit pas d'aller vers des alliances de type programmatique ou idéologique. Dans mon esprit, le pacte, c'est de poser les règles, justement, de définir les mécanismes démocratiques et institutionnels d'une libre concurrence de projets politiques et économiques dans le pays. L'Algérie n'a pas ces règles-là pour le moment. Ne disposant pas d'un champ politique dans lequel les acteurs politiques issus d'élections démocratiques, porteurs de projets, de visions, de ce que sera l'Algérie de demain, donc nous n'avons pas malheureusement ces règles. Ce champ politique reste à construire. Sur la question du système, parce qu'il faut bien comprendre, hein, parce qu'on a tendance à résumer le système au pouvoir. Le système a plongé ses tentacules, y compris dans la... Ça s'appuie sur des relais économiques, affaires. On a perdu Samir Waqila. Oui, je pense, oui. Ouais, on vient de le perdre. J'ai un message qui me dit qu'il y a un problème avec cet appel. Oui. En fait, je vais essayer de couper, je vais rappeler Samir. Tac, excusez-moi, 2 secondes. Samir Khoya, tu m'entends? Samir Khoya, tu m'entends? Allô? Ah oui, on a été coupé, je crois. Hein. Ouais, j'ai vu. Ça s'est coupé. Ouais, ça s'est coupé sans avertir, ouais. Mais allez, je vais reprendre le fil. Ouais, excuse-moi. Donc de mon intervention, de mon raisonnement. Je disais que le système ne se résume pas au pouvoir. Hein. Sinon, il aurait été simple, le changement se serait résumé à changer le pouvoir pour changer l'Algérie. Je crois que le système, comme je l'ai dit, à ses tentacules, y compris dans la société, il repose sur une rente pétrolière donc qui lui permet d'élargir des clientèles, y compris au sein de la société. Il est organisé autour de mafias qui sont liées essentiellement de l'import, etc. Donc le changement, en fait, quand on réfléchit sur le changement, il faut le poser aussi en termes culturels, c'est-à-dire en termes un changement qui implique aussi une rupture, parce que la rupture, elle n'est pas simplement politique, mais elle est aussi intellectuelle, elle est aussi culturelle, etc. Il faut se désaliéner par rapport à un système. Le système politique algérien, le système de pouvoir algérien, a aliéné des pans entiers de la société. Et c'est ça les gros dégâts qui ont été commis. Et c'est ça qui explique aujourd'hui que les initiatives prises, parce que il y a de multiples initiatives qui sont prises par les uns, par les autres, etc., pas un écho. Malheureusement, elles ne trouvent pas d'écho, parce que, c'est vrai qu'elles ne disposent pas d'esprit dans lequel elles peuvent se développer, etc., comme les libertés d'organisation n'existent pas, de se réunir, d'organiser librement, tout est soumis à l'administration, à administrative, etc. Donc les conditions qui permettent la mobilisation citoyenne, malheureusement, n'existent pas aujourd'hui en Algérie. Donc il y a une multiplicité d'initiatives qui en fait qui partent de bonnes intentions. Elles partent souvent de bonnes intentions, mais très souvent elles alimentent une espèce de désespoir aussi, parce qu'on crée des attentes. Et malheureusement, après, c'est la déception. Et ce qui explique après que les citoyens disent, de toutes les façons, les initiatives sont prises là, elles n'auront aucune chance d'aboutir aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que le travail aujourd'hui, le travail politique aujourd'hui, c'est, qui est, je le dis, extrêmement difficile dans le cadre d'un système. L'opacité la plus totale. Le travail politique doit consister justement à faire œuvre de pédagogie politique, à expliquer les véritables enjeux, à mettre l'accent sur, à démasquer les faux débats, les diversions qui sont organisées, les leurs, en train de le faire aujourd'hui autour de la question de la présidentielle, de la question de la maladie de Bouteflika, quatrième mandat, pas mandat, constitution. De faux débats, etc., et qui vise à créer une illusion de vie politique en Algérie qui n'existe pas, en réalité. Donc, travail de pédagogie, et puis c'est de constituer, recréer du entre les militants, tous les militants, qui soient politiques ou associatifs ou syndicaux, qui militent pour le changement, c'est de travailler à faire naître une conscience politique. Je pense que c'est cela qui, demain, va faire en sorte de mettre en échec le système. Parce que le système, il est construit sur une chose. Vous savez, le DRS, depuis des années, il bloque l'émergence d'élites politiques d'un côté, et après, il s'indigne du fait qu'ils disent « Ah, mais il n'y a plus rien dans le pays, il n'y a pas de politique, on est les sauveurs du pays, le pays repose sur les services de renseignement. » C'est-à-dire qu'il pour discréditer le politique, pour favoriser une classe politique sur des bases clientélistes, en utilisant la corruption systématique, et de l'autre côté, en disant « Mais voilà, à titre d'exemple, on m'avait posé la question récemment, il y a un ancien président du Conseil constitutionnel qui est intervenu ou qui a fait un livre récemment, Wingel, et il faut mettre l'armée sous le contrôle, les services de renseignement ou l'armée du Parlement. Oui, en théorie, personne n'est contre cela. Mais la question qui se pose, et que ne pose pas ce président du Conseil constitutionnel, c'est de mettre l'armée et les services de renseignement sous le contrôle de l'Assemblée qu'on a actuellement. De quelle assemblée il s'agit? Assemblée, il s'agit. C'est une question fondamentale. De quelle assemblée? Demain, les gens du DRS vont te dire, comment ça, moi je vais soumettre les questions de sécurité nationale à une assemblée où il y a 60 coiffeuses, où il y a des affairistes, exact. Où il y a des gens qui n'ont aucun niveau d'instruction. Donc, c'est vicieux. En fait, bloque d'un côté les mains du véritable Parlement, un véritable Parlement démocratique, ne va pas ne se faire prier pour exiger un contrôle de l'armée ou un contrôle des services de renseignement. Donc, on bloque l'émergence d'un véritable Parlement. De l'autre côté, on se dit, mais bon, on ne va pas nous soumettre à cette classe politique. Donc c'est un jeu pervers, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où les services d'enseignement ont le beau rôle. Mais ça ne peut pas continuer. C'est ça ce que je veux dire, ça ne peut pas continuer, parce que je reviens sur ce que je disais avant, les paramètres extérieurs sont là, ils agissent sur le pays. À des gens, sans foi ni loi. Comme certains des auditeurs ici se sont exprimés, qui n'ont aucun sens de l'intérêt national et qui sont prêts à sacrifier l'Algérie, à ce moment-là, ça serait très grave. Je crois qu'on peut dire, on peut dire qu'on est mal barré, en quelque sorte. Soit, nous avons aussi, on peut espérer, parce que c'est quand même important, parce qu'ils détiennent tout le pouvoir. Nous pouvons espérer qu'il y ait des gens quand même qui ont le sens de l'intérêt général, de l'intérêt national, qui ont un brin de patriotisme, qui fait qu'aujourd'hui, qu'ils prennent conscience que si l'Algérie continue comme cela, elle va droit dans le mur. Et ça serait livrer l'Algérie aux mains, définitivement, aux mains d'intérêts étrangers. Et ça serait en finir avec une souveraineté nationale qu'on a chèrement payée. Donc moi j'ai peut-être la faiblesse de croire qu'il y a encore des gens qui ont ce sens du patriotisme et puis de l'intérêt national. J'ai cette faiblesse de le croire. Dramatique pour le pays. Il faut savoir une chose aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui exige de nous de nous doter de véritables instruments qui nous permettent de négocier notre insertion. Nous avons besoin, pas seul, Maghreb, d'une intégration nord-africaine. Aujourd'hui, les pays qui résistent le mieux, c'est les pays qui se mettent en commun dans des assemblées régionaux pour faire face justement de la globalisation. Et donc aujourd'hui, nous sommes au pied du mur. Et je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité des services de renseignement, c'est une responsabilité écrasante, lourde, de conséquences, elle est historique. Ou bien ils permettent à l'Algérie de se développer un État démocratique de droit, où ils prendront la responsabilité de la destruction de l'Algérie. Très bien. Très bien, Khoya Jamal, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, je vous entends. Si, en fait, là, il nous reste à peine quelques minutes avant la fin de l'émission. Si tu as un petit commentaire suite à ça, ensuite je redonnerai la parole à Samir pour conclure. Alors, je rejoins le frère Samir dans ce qu'il vient de dire. Non seulement qu'ils mettent le pays en danger, mais c'est aussi tout le continent. Parce que par ricochet, c'est tout le continent qui va payer les pots cassés. Et aussi, je suis d'accord avec lui quand il dit que avec l'évolution des grands rassemblements, à l'instar de l'Union européenne, la Fédération de Russie, les pays asiatiques qui commencent à s'organiser pour constituer un bloc homogène, capable de faire face aux éventualités hégémoniques de ces puissances. Tout cela nous dit qu'il y a l'urgence de dépasser cette période de transition qui n'a pas l'air de vouloir se terminer. Il est urgent de la dépasser et de se mettre en règle avec le milieu, les pays qui nos voisins africains en général, qui se sont déjà engagés sur la voie de la démocratie pour être quand même compatibles avec ces systèmes, pour avoir un système compatible, c'est-à-dire aussi démocratique que les autres, afin de pouvoir faire des alliances stratégiques. Et ces alliances stratégiques sont vitales pour la continuité de notre État, de notre nation. Et aussi, ça nous permettrait de donner un peu plus d'efficacité aux institutions africaines, de l'Union africaine, et aussi du Maghreb, comme on dit, enfin du nord de l'Afrique. Moi, le Maghreb arabe, moi, je ne suis pas tellement d'accord dessus, parce que je crois que les autres, ils chantent d'une voix, et nous, on est ailleurs, on n'a pas le même, enfin, disons qu'on n'a pas les mêmes mentalités, donc nous devons nous occuper de l'Afrique, qui est l'objet de toutes les convoitises, comme le voient les Occidentaux. Maintenant, tous les Occidentaux sont d'accord sur le fait que l'Afrique est l'avenir de la planète. Oui, toutes les armées du monde, toutes les armées des puissances sont en train de s'installer plus, donc voilà. Cette région du Sahel qui fait 9 millions de kilomètres carrés, elle est convoitée, nous devons elle est convoitée par ces puissances, et ils savent que c'est la seule région qui est inexploitée, qui est restée pratiquement vierge concernant les richesses souterraines, les richesses, les matières premières. On est sujet à toutes les convoitises, et là, il faut être conscient. Et c'est comme ça que, moi je pense que ces gens-là, pour leurs intérêts, ils vont, ils vont brader tout un continent, c'est pas un pays seulement. Et nous aurons plus à gagner à faire des alliances avec les pays voisins africains, et pour passer à ces alliances, etc., il faut avoir les institutions qu'il faut, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, et on ne va pas reconstruire l'État avec ceux qui ont aidé à le détruire, ainsi que les partis politiques actuels qui se sont fondus dans le système parce qu'ils ont accepté de jouer le jeu. Il faut dire qu'ils se sont fondus et ils sont pas repêchables. C'est pas possible. Ils se sont tous refondus. Je veux vous dire une chose. En expliquant de la manière la plus simple, je m'excuse de vous prendre un peu de temps, mais la manière la plus simple. رئيس الحزب نهار يروح البلدية وين الحزب تاعو يحكم كيشغل خير من اللي جابو تفليقة خير من اللي جاه الرئيس on lui met le tapis rouge, يحب لجمو يعطيولو يحب تراب يعطيولو. Et ils se sont tous à coquiner avec le système de la même manière. Ils ont tous participé à les passes d'arroi, la corruption, etc. Et comme ils ont vu que le meilleur moyen de s'enrichir le plus vite dans ce pays, c'est la politique, ils se sont tous engouffrés et ils se goinfrent maintenant. Et là, c'est pas avec ces gens-là qu'on voit depuis 20 ans qu'on va reconstruire le pays. Parce que ce sont eux qui l'ont détruit, et c'est à nous de le reconstruire, comme j'ai dit, dans leur cadre d'une initiative populaire. Hein. C'est que le peuple prend l'initiative en dehors du système. Il prend une initiative en dehors du système pour lancer ces appels dont j'ai parlé. Et je pense que c'est le meilleur moyen de ramener ces gens à un compromis historique. Voilà. Très bien. Très bien, c'est très clair. Le message est passé. Merci à toi pour l'appel. Prends bien soin de toi. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir aussi à l'antenne une prochaine fois. Inch'Allah. Merci, à très bientôt. Allez, je vous quitte maintenant. Au revoir. Ok, salam alaikum. Samir Khoya, merci beaucoup de toute façon d'avoir eu la patience de rester comme ça. En fait, on est resté 2 heures ensemble. En fait, avant de quitter, moi je voulais te rendre la parole pour soit conclure, soit résumer ou la passer un message. À toi la parole, et je te remercie par avance. En tout cas, moi, pour conclure, en fait, laisser le débat ouvert, je pense que ça, je vais pas te conclure un débat, le débat doit rester ouvert. Je voulais simplement saluer le travail que tu fais. C'est gentil. Il peut paraître, comme une goutte d'eau, hein, mais je pense qu'il est fondateur. C'est important aujourd'hui de redonner la parole aux Algériens, comme tu fait. Et puis, je pense que au cours de ces deux heures-là, on a fait quand même la démonstration que les Algériens sont capables de entre eux, dans la sérénité, de débattre, d'échanger, de communiquer sans invective, sans culte, d'essayer de comprendre. Moi, j'ai appris beaucoup des intervenants qui sont exprimés. Je pense que en démonstration qu'il est possible en Algérie de vivre ensemble, de poser des règles de discussion entre nous, d'échange, de communication. Et ça, je pense que c'est la première arme qu'on doit utiliser contre un système qui est fondé sur la négation du débat politique, de la communication démocratique. Voilà l'un des principes sur lesquels repose le système, c'est-à-dire que c'est celui, au-delà de l'instrumentalisation et de la subordination du politique, c'est aussi le fait que le système a tout fait pour empêcher les Algériens de se parler. Et je pense qu'on fait la démonstration que cela est possible. J'espère. Allô? Oui. Ah, très bien, très bien. Non, on a été coupé pendant un moment. Oui. Enfin, ça dure une seconde comme ça, mais il y a des petites coupures. Non, très bien. Merci beaucoup pour ton encouragement. C'est vrai que moi, c'est vrai que c'est juste ce que j'essaie de faire, c'est une petite goutte d'eau. Je sais que c'est vraiment limité, mais l'Ouahdi, il fait de son mieux pour faire les choses. Toi aussi, bon courage d'abord, et puis bravo aussi pour ton activité, parce que toi aussi, tu lâches pas, contrairement à beaucoup aussi d'autres qui ont lâché un peu, qui ont lâché prise, et heureusement qu'il y a encore des gens qui militent. Et puis, c'est à l'image un peu de notre pays qui, dans la difficulté, essaie quand même d'avancer. Voilà. Voilà. Je terminerai par une phrase, un adage. Hein. Mm-hmm. Tout ce qui monte converge. Eh bien, très bien. Il faut monter. Merci, Samuel. Merci à toi pour ton intervention ce soir. C'était très instructif. J'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver sur Radio Chicha, puis de t'écouter aussi par ailleurs. Comme disait Jamaldine, on attend vos sorties, vos interventions, parce que voilà, on a besoin de parler, de se regarder les yeux dans les yeux. À très bientôt, Samir. Merci beaucoup à toi. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons eu Monsieur Samir Bouakouir, cadre du FFS, ancien porte-parole du FFS, qui nous a un peu donné son avis, ses analyses sur la situation politique en Algérie, le changement, les élections qui arrivent, Bouteflika qui va être changé ou pas d'ailleurs, les vrais débats, les faux débats. Samir Bouakouir nous a aussi rappelé un des fondamentaux, selon lui, de ce qui doit se faire, c'est rendre les services aux services de renseignement leur vraie fonction et les sortir du politique, parce que selon Samir et selon beaucoup d'observateurs, le rôle des services de renseignement dans la politique en Algérie est néfaste. Il est néfaste. Il a été analysé en long et en large ce constat. Et donc Samir nous l'a rappelé. Je remercie tous les auditeurs. Je remercie surtout tous ceux qui nous ont appelés. C'est tous les samedis soirs à 20h heure d'Alger, 21h à Paris. L'antenne est ouverte aux auditeurs. Moi, si j'ai des invités comme ça, des militants ou là, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter pour participer. Et puis ça se passe sur Skype. Et puis il faut rendre la parole aux gens, comme le disait Samir. Je remercie encore tout le monde, Samir Bouakouir en premier, et puis tous les autres, les auditeurs. Je rends l'antenne, je vous laisse écouter un peu de musique. N'hésitez pas à venir sur radiochicha.com pour voir comment ça se passe, pour voir la programmation et pour suivre les choses, les nouveautés et tout ça. N'hésitez pas à nous dire votre avis, envoyez-nous des messages pour nous dire ce que vous pensez. Voilà, il y a El Selem. Je vois que derrière, il y a la musique Thina Rewen qui arrive. Vive la musique Touareg, vive les Touareg. Et puis, merci à vous. Salam alaikum, à très bientôt, Inch'Allah.